Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 16. Des préceptes de la foi, de la science et de l'intelligence. On montre pourquoi l'ancienne loi ne renferme pas de préceptes positifs sur la foi elle-même. On fait ressortir la convenance des préceptes qui concernent la science et l'intelligence. 1. Devait-il y avoir, dans la loi ancienne, des préceptes concernant la foi? Les préceptes d'une loi présupposent que le sujet auquel ils sont donnés est soumis au souverain qui les impose. Or la première sujétion de l'homme à l'égard de Dieu s'établit par la foi, car, comme le dit saint Paul, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe. Hébreux 11, 6. Par conséquent, dans les préceptes de la loi ancienne, la foi a dû être supposée. Nous en avons la preuve dans l'Exode même, où l'objet de la foi précède les commandements. N'est-ce pas après ces paroles, « Je suis le Seigneur votre Dieu » qui vous est tiré de la terre d'Égypte, et après ces autres encore, écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un, que, viennent les préceptes de la loi. En outre, sous l'Ancien Testament, les mystères de la foi ne devaient pas être expliqués au peuple, voilà pourquoi, la foi en un seul Dieu étant supposée, il n'y avait pas lieu à promulguer d'autres préceptes touchant la vertu de la foi elle-même. Note. L'ancienne loi avait des préceptes relatifs à l'infidélité, de peur que la foi en l'unité de Dieu ne fût altérée par les vices, elle en avait pareillement sur la confession et sur l'enseignement de la foi. Elle en avait aussi à l'égard des biens que Dieu promet à ceux qu'il aime, mais, pour ce qui concerne la foi elle-même, elle n'en avait point. On nous dira que la foi est nécessaire. Sans doute, mais l'acceptation de la loi la supposait. On dira encore qu'il y a dans le Nouveau Testament des préceptes sur la foi, par exemple, celui-ci, « Vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans ce passage même, le Sauveur suppose une vérité de foi, savoir, la croyance en Dieu. Le précepte qu'il donne ensuite de la foi au mystère de l'incarnation, par lequel une même personne est Dieu et homme, appartient à la foi du Nouveau Testament, aussi ajoute-t-il, croyez en moi. Fin de la note. 2. La loi ancienne était-elle défectueuse dans les préceptes qui regardent les dons de science et d'intelligence? À l'égard de ces dons, il faut considérer l'acquisition, l'usage et la conservation. Leur acquisition s'opère en enseignant et en écoutant. La loi prescrivait ces deux points. On y lit, les commandements que je vous donne seront gravés dans votre cœur. Deutéronome 6, 6. Voilà pour le disciple qui apprend en écoutant, il doit s'attacher de cœur à ce qu'il entend. Il est dit, en second lieu, vous en instruirez vos enfants. Voilà la fonction du maître. On fait usage de la science et de l'intelligence en méditant ce que l'on sait et ce que l'on perçoit, de là ces paroles, assis dans votre maison, vous méditerez ces préceptes. La conservation de ces dons est le fruit de la mémoire, et de là cette autre recommandation, vous lirez ces préceptes comme un signe dans votre main, vous les aurez comme un tableau devant vos yeux, vous les écrirez sur le seuil et sur l'entrée de votre maison, recommandation qui marquait le souvenir continuel que l'on doit garder des commandements de Dieu, et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, tant dans les évangiles que dans la doctrine des apôtres, avec des développements plus nombreux. On voit par cet exposé que les préceptes de l'ancienne loi touchant la science et l'intelligence, étaient ce qu'ils devaient être. Il justifie ses paroles, tous ceux qui les entendront diront, « Voilà un peuple sage et intelligent. » Deutéronome 4, 6. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.